7. De retour au manoir, afin de me changer les idées, j'ai entrepris de crayonner des croquis et d'établir une liste des matériaux nécessaires à la remise en état. Ben Lovson a accueilli cette initiative avec soulagement. Il s'ennuyait comme un rat mort et était prêt à bondir sur n'importe quel prétexte pour retourner à Palm Springs. L'important, ai-je insisté, c'est de gommer l'aspect sinistre de certaines pièces. Il suffira pour ça d'un coup de peinture blanche et de spot au plafond. En donnant un côté techno-lumineux, on aura moins l'impression de visiter l'antre d'un tueur en série. En revanche, je ne suis pas certaine que Gary apprécie. « Gary, on s'en cogne », a grogné Benjamin. « Il n'a aucun pouvoir décisionnaire. Ce n'est qu'un employé qu'on est assez bon pour tolérer. S'il devient emmerdant, on le dégagera. Il faudrait peindre toutes les poutres en blanc et les meubles en gris, installer une atmosphère de loft branché. Peut-être vitrifier les parquets, en blanc également. Il faut se débrouiller pour installer une atmosphère lumineuse. Une équipe devra également gratter la façade et les volets. Rendre tout cela pimpant. Il faut aussi faire appel à un spécialiste pour réaménager le jardin. Planter des cactus ou jouer sur le côté zen avec des figures géométriques soigneusement ratissées. Vous connaissez le truc. L'électricité est à refaire. Il est capital de prévoir un groupe électrogène capable d'assurer le fonctionnement de la climatisation en cas de coupure de courant. J'ai continué ainsi un bon moment. À la fin, la liste occupait 3 pages pleines. Dénicher des équipes capables de bosser rapidement, ai-je insisté. Ouais, a fait distraitement Ben. Faudra surtout virer le camping-car de Gary, ça fait des ordres. On pourrait le déplacer le temps que l'huissier dresse l'état des lieux. Ensuite, il pourra reprendre sa place. Ouais, on verra. Il a empoché les 3 feuillets et s'est précipité dehors, tout heureux de ficher le camp. J'ai réalisé que j'allais me retrouver privé de tout moyen de transport durant son absence, puisque nous étions venus dans sa voiture. Ce n'était pas pour me rassurer. Une fois seul dans la maison, j'ai plus que jamais pris conscience de l'état de délabrement des lieux et de l'atmosphère glauque des pièces. Je comprenais la hâte de Benjamin, et pour un peu, j'aurais couru derrière son 4x4 pour le supplier de m'emmener. Cela irait sûrement mieux une fois les équipes d'ouvriers débarquées. La musique, les chansons, les jurons, les grosses plaisanteries, les coups de marteau viendraient heureusement casser l'ambiance funèbre du manoir. La compagnie de Gary ne m'enthousiasmait guère, Finchcolder avait semé le doute en moi. J'ai décidé encore une fois d'aller faire un tour. Dans la remise du jardin, j'ai déniché un antique vélo de la marque Funnyway, disparu depuis 30 ans. N'ayant pas souffert de l'humidité, il était en état de rouler pourvu qu'on regonfle ses pneus. Le viking aux cheveux gris étant occupé à susauter un joint sur les marches du Winnebago, je lui ai demandé si je pouvais emprunter le vieux clou. Il a esquissé un geste là, signifiant le peu d'importance de ma requête. Je ne parvenais pas à discerner s'il était réellement défoncé ou faisait semblant. Par la porte ouverte de la roulotte, j'ai vu, suspendu à la paroi, 2 cadres contenant des disques d'or, seul vestige de son passé glorieux. De telles dégringolades ne sont pas rares dans le milieu artistique. Ma mère en avait fait l'expérience jusqu'à ce qu'elle ait la chance d'être embauchée par Sawana Warlock. La bécane enfourchée, j'ai entamé une promenade le long de la rive ouest du lac Salé en essayant de ne pas m'emplir les narines de l'odeur d'œufs pourris. De temps à autre, des gens âgés assis sur des pliants souriaient et m'adressaient des signes de la main. Ils campaient au milieu des décombres sans paraître s'affliger de la désespérance des lieux, savourant le silence et le soleil qui leur étaient gratuitement délivrés par les hautes instances de l'univers. C'est alors qu'une fourgonnette jaune m'a doublé. Un bibliobus, comme on en voit parfois dans les banlieues, conduit par des militants qui, défiant les moqueries, essaient désespérément de convaincre les adolescents que lire un livre ne rend pas forcément aveugle. Un garçon d'une vingtaine d'années tenait le volant. Grassouillé, vêtu d'un t-shirt et d'un bermuda violet, coiffé d'une casquette de baseball posée à l'envers, la visière servant de protège-nuque. « Mademoiselle, mademoiselle » a-t-il crié, « je peux vous parler ?» J'ai freiné, croyant qu'il me prenait pour une vacancière et voulait me refiler un bouquin. J'ai compris mon erreur lorsqu'il s'est tourné vers moi et que j'ai pu lire en travers de son torse dodu « Les fils de la hyène ». Je venais d'être capturé par l'un des zélateurs de Sawana Farlock. « C'est possible de discuter » a-t-il bredouillé d'un ton essoufflé. « Je m'appelle Arnold. J'appartiens à un club de fans. On sait que vous habitez la maison de notre idole. Est-ce que vous accepteriez qu'on vous pose des questions sur la déco intérieure ? Ce serait pour notre site internet. On a des milliers de followers, vous savez. » Il était si touchant, avec son air de gros tatou ébloui par la lumière du soleil, que je n'ai pas eu le cœur de refuser. Il m'a aidé à monter le vélo à l'arrière de la fourgonnette, et à cette occasion, j'ai vu que les flancs du véhicule étaient tapissés de rayonnages, supportant des exemplaires défraîchis des romans de Sawana. « On essaie de faire du prosélytisme », m'a-t-il expliqué d'un ton d'excuse. « Pour éviter que notre auteur préféré soit oublié. Avec les jeunes qui ne lisent plus, c'est le danger. La plupart du temps, on arrive à caser ces romans qu'aux personnes âgées. Et encore, pas aux femmes. Elles jugent ça trop horrible. » C'est drôle. Il m'arrive souvent de tomber sur un papy qui me dit « Je veux bien le prendre, ton bouquin, fiston, à condition qu'il y ait du cul. » J'ai même un habitué qui me demande de lui souligner les passages de ce genre. Quand on veut qu'un auteur survive, faut pas faire la fine bouche, n'est-ce pas ? Il ponctuait chacune de ses phrases d'un rire d'excuse agaçant, mais je me suis efforcée de jouer les grandes sœurs ou les jeunes mamans et de me montrer indulgente. « Cela ne vous gêne pas si je vous emmène voir mes copains ? » a-t-il insisté. À première vue, ils vous paraîtront bizarres, et sûrement qu'ils en feront des tonnes, mais c'est seulement parce qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer des filles. D'une main moite, il a repris le volant et fait bifurquer la camionnette sur la gauche, entre les bungalows des Cathy. « Je suis super excité », a-t-il précisé, au cas où les ruissellements de sueur sur ses joues ne l'auraient pas suffisamment indiqué. « Ce sera la toute première fois qu'on recueillera le témoignage d'une personne ayant visité la maison de Sawana. Gary, le gardien nous a toujours refoulés. C'est une brute, le vrai homme de Néandertal. Pour décrire le manoir, on a dû s'inspirer d'articles anciens, découpés dans des revues de l'époque et probablement bidonnés. Mais vous avez réellement foulé le Saint des Saints. » À l'entendre, en comparaison, les cosmonautes qui avaient marché sur la Lune étaient des promeneurs du dimanche. Une fois dépassée la dernière rangée de maisons, un terrain de camping peu engageant est apparu, encerclé d'un grillage interdisant aux coyotes d'accéder aux poubelles. Quelques caravanes traînaient là, ainsi qu'une douzaine de tentes. La plus grande, de type militaire, arborait un fanion annonçant la mention « Fils de la hyène ». Les pauvres, avec ça, ils devaient s'en prendre plein la poire. Ce nom, a expliqué Arnold en rougissant, c'est le titre d'un roman de Sawana, celui qui raconte l'histoire d'un unijambiste, un gars qui a été amputé pendant la guerre du Vietnam. Quand il revient chez nous, pour se venger du gouvernement qui a fait de lui un infirme, il décide de capturer des hommes politiques et de leur couper une jambe, celle qui lui manque. Il injecte des produits de conservation dans le membre, façon thanatopracteur, puis le fixe à son moignon avec un système de son invention, comme une espèce de prothèse de chair. Vous voyez ? L'ennui, c'est que la jambe finit fatalement par pourrir. Alors, il doit kidnapper un autre politicard pour l'amputer, et ainsi de suite. C'est chier comme métaphore, non? Le problème, c'est qu'à la fin, il est pris en chasse par un flic qui, lui aussi, a fait le Vietnam et qui y a perdu le bras gauche. C'est poignant comme face à face. J'ai dû relire ce bouquin une trentaine de fois. La hyène, bien sûr, c'est l'Amérique, et ses fils, les pauvres gars dont elle a fait de la chair à canon. C'est puissant, hein? Je me suis abstenue de tout commentaire. Lorsque le bibliobus s'est enfin arrêté, trois jeunes gens dégingandés se sont extirpés de l'attente, l'air méfiant. Il y avait un rouquin à la pomme d'Adam proéminente, un intellectuel tout de noir vêtu, arborant une calvitie précoce scintillant au soleil, et un type maussade à la carrure de culturiste. Arnold s'est empressé de me présenter sans éveiller chez ses amis un enthousiasme excessif. Afin d'échapper à l'insolation, nous nous sommes installés sous la tente, où régnait une odeur de sueur, de chaussettes et de caleçons moites qui concurrençaient celle du lac Salé. Après un moment de gêne, de gestes nerveux et de questions embarrassées, l'enregistrement a débuté au moyen d'un appareil digital dont ils tinrent à me donner les caractéristiques techniques, probablement dans le but de m'impressionner, car on sait que les filles perdent leurs moyens dès qu'on énumère des chiffres autres que ceux figurant sur les étiquettes des boutiques de vêtements. N'est-ce pas? Je me suis appliquée à leur décrire par le menu ce que j'avais vu dans le manoir, et leurs yeux se sont écarquillés d'une stupeur où se mêlaient la joie et la jalousie à dos égales. Seul le costaud, nommé Bradford, s'est obstiné à faire la moue, sous-entendant que j'en rajoutais pour faire l'intéressante. Très vite, la rencontre a pris la tournure d'un interrogatoire policier. J'ai été harcelée de questions, de demandes de détails sur la couleur, les objets, la disposition des meubles. « Bien sûr, a ricané Bradford, vous n'avez pas de photos pour nous prouver vos dires. En fait, vous racontez peut-être n'importe quoi. On ne peut pas prendre le risque d'en parler à nos auditeurs sans preuve tangible. On doit se conformer à une certaine éthique journalistique. » J'ai failli les envoyer promener. Ils commençaient à me gonfler, ces quatre nerds, assis sur leur sac de couchage qui empestait encore leur dernière branlette. Mais Arnold est intervenu pour pacifier le débat. Touchant de bonne volonté, il a proposé une pause et fait circuler des bières. C'était déjà mieux. La deuxième partie de la rencontre s'est révélée plus intéressante, car l'alcool a fini par délier les langues. Celui que je surnommais l'intello et qui répondait au prénom de Timothy a rajusté ses épaisses lunettes sur son nez avant de déclarer sur le ton de la confidence « De nombreuses histoires écrites par Sawana s'inspirent de la réalité. Celle de l'unijambiste, par exemple, s'est déroulée dans le Maryland. Elle a fait les délices de la presse locale en 1976. » Le vétéran unijambiste avait enlevé et mutilé trois adjoints municipaux et le directeur d'une banque. Exact, a aussitôt renchéri Arnold, et aussi celle du gars qui travaillait aux pompes funèbres. Chaque fois qu'il devait incinérer quelqu'un, il s'arrangeait pour kidnapper un gosse avant la cérémonie, lui injecter un anesthésique et le cacher dans le cercueil du mort à la dernière minute, si bien qu'il incinérait les deux en même temps. Les mômes, on ne les retrouvait jamais, bien sûr, ils les brûlaient vifs. Pendant ce temps-là, les flics patrouillaient dans les bois, sondaient les puits, à la recherche des gosses disparus. Ils ont mis un temps fou à piger la combine. « Ouais, ouais !» a exulté Shin, le rouquin. « Il y a aussi celle du gars qui travaillait chez un vétérinaire. Quand les gens lui apportaient leur chat ou leur chien pour les faire stériliser, il incisait le ventre de la bestiole et glissait une petite bombe à retardement dans un repli graisseux. La bombe était réglée pour exploser 3 jours plus tard. Deux gosses qui jouaient avec ces animaux piégés ont eu la tête et les mains arrachées. C'est vrai de vrai, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Cela se passait en Virginie-Occidentale au début des années 80. Oui, a repris doctement Timothy. Sawana savait s'inspirer de l'actualité. Le réel avait une grande importance pour elle. Elle n'inventait pas n'importe quoi. Il fallait que ça ait été expérimenté. Certains vont beaucoup plus loin à attaquer Bradford. Il y a des gens qui la soupçonnent d'avoir elle-même assassiné des inconnus par souci de documentation, pour voir si ses projets scénaristiques tenaient la route. Des calomnies, a protesté Timothy. Pourquoi? A aboyé Bradford. Moi, ça ne me gênerait pas qu'elle soit allée jusque-là. C'était pour l'art. Quelle importance qu'elle ait tué des gens ordinaires si c'était pour donner naissance à une œuvre immortelle. Dans ce cas-là, tout est permis. Ils s'échauffaient, avivant leur odeur de sueur. Comme cela se produit toujours chez les jeunes mâles passionnés, ils étaient prêts à se sauter à la gorge pour défendre leur théorie. J'ai tout sauté afin de leur rappeler ma présence. Timothy a ôté ses lunettes que la sueur embuait afin de les essuyer sur un pan de chemise. Il y a d'autres rumeurs, a-t-il repris d'une voix qui tremblait sous l'effet d'une colère contenue. L'une d'elles avance que Sawana ne se serait pas suicidée, mais aurait été enlevée par l'un de ses fans qui, depuis, la tient prisonnière dans son grenier et l'oblige à écrire pour lui seul. Une belle connerie, a tranché Bradford. Si elle a été enlevée, c'est par la CIA, c'est évident. Parce qu'à force de fouiner, elle a fini par découvrir un terrible secret d'État, comme le masque de fer, dans le bouquin de cet auteur français au nom imprononçable, Alexander Dumas. Alexandre Dumas a corrigé Timothy avec un accent impeccable. En cet instant, il exhalait autant de morgue qu'un prédicateur itinérant du fin fond du Nebraska, appelant les foudres divines sur la tête d'un païen. Tandis qu'ils s'excitaient et gesticulaient, je les ai observés. Ils semblaient croire à ces sornettes. J'avais échoué dans une cellule extrémiste, pratiquant la théorie du complot comme d'autres jouent aux échecs. J'avais sous les yeux quatre jeunes gars paumés, qui compensaient leur mal-être en affirmant ne rien ignorer de l'envers du décor, ces coulisses secrètes dont les adultes leur refusaient l'accès depuis toujours. Chine le rouquin, qui depuis mon entrée dans la tente lorgnait dans mon t-shirt avec une attention d'entomologiste, est soudain intervenu. Je confirme, a-t-il lancé d'une voix à laquelle il essayait vainement de donner une tonalité de baryton. Sawana a bel et bien été enlevée par les services secrets parce qu'elle savait des choses terribles. Le vrai nom de l'assassin de Kennedy et d'Elvis Presley. Ce tueur étant un acteur de cinéma très connu, plusieurs fois primé aux Oscars. Et aussi que l'embargo de Cuba a été décrété parce qu'on avait découvert que l'île abritait une colonie d'extraterrestres. Sans oublier que l'un des cosmonautes qui a marché sur la Lune s'est métamorphosé en alien dans le mois qui a suivi son retour, et qu'on a dû le remplacer par une doublure pour que personne ne s'en aperçoive. Sawana le savait. C'était une enquêtrice redoutable, alors ils l'ont neutralisée. Elle est enfermée à Guantanamo depuis 10 ans, dans une cellule dont seul le président des États-Unis possède la clé. Une chose est incontestable, a fait doctement observer Timothy. Il existe des trous considérables dans la biographie de Sawana. En plusieurs occasions, on est incapable de reconstituer ce qu'elle a fait durant des périodes allant de 6 mois à 2 ans. C'est comme si elle s'était évaporée. Et pour cause, a craché Bradford, elle était trop occupée à fuir la CIA. J'en avais assez et je cherchais désespérément une excuse pour prendre congé quand Arnold s'est penché vers moi. On était sur le point de partir en expédition, a-t-il expliqué. Ça vous dirait de nous accompagner? Quel genre d'expédition ai-je fait, méfiante? Sur une carte, on a quadrillé la zone d'Anza-Borrego et on s'est donné pour mission d'explorer systématiquement chacune des cases. On espère dénicher la sépulture de Sawana. On se dit qu'on finira bien un jour par tomber dessus. Je sais que le désert est immense et qu'il compte une infinité de canyons. Mais on ne manque ni d'espoir ni de ténacité. Alors, ça vous dit? La perspective de rentrer au manoir et de passer la journée en compagnie de Gary m'a fait grincer des dents. Aussi ai-je accepté, sans plus réfléchir, la proposition des quatre farfelus. De toute manière, il me serait impossible de démarrer les travaux tant que Benjamin Lofson n'aurait pas ramené de Palm Springs ouvriers et matériaux. Nous sommes donc sortis de la tente. Outre le bibliobus jaune, deux autres véhicules se trouvaient garés à proximité. Une antique Jeep Willys des surplus militaires et un pick-up bâché. La Jeep appartenait à Bradford, le pick-up à Timothy. L'intello de la bande nous a prié, Arnold et moi, de grimper à son bord. J'ai entreaperçu sur le plateau arrière un entassement de pioches, de pelles, ainsi que deux détecteurs de métaux aux allures de canons laser bricolés. Arnold a dû se contenter de prendre position sous la bâche, tandis que je m'asseyais dans la cabine à côté de Timothy. La chaleur était à crever et la climatisation faiblarde. « Ne craignez rien », a annoncé le jeune chauve, « on a l'habitude. On emporte 20 litres d'eau à chaque excursion et on revient toujours avant que la nuit tombe. Je commence à posséder une assez bonne maîtrise du terrain. » Il a mis le contact et lancé son véhicule sur la piste poussiéreuse avec des mouvements de volant avantageux. Il essayait de se mettre en scène façon Indiana Jones. C'était mignon. Au bout d'un moment, il a rompu le silence gênant qui s'installait pour dire « Il ne faut pas en vouloir à mes camarades. Ils sont un peu excessifs et manquent de méthode. Parfois aussi de discernement. Surtout Shin. C'est un fan de science-fiction et il a tendance à décoller du réel. Moi, j'ai une formation d'historien et un master en études des médias. J'écris une thèse sur Sawana Warlock. Pour moi, cette femme a réussi à faire de son œuvre un catalogue de tous les fantasmes des années 60 à 70. La paranoïa, la peur de l'apocalypse nucléaire, le mysticisme béat, l'exploration des paradis artificiels, la sexualité débridée. Toutes ces choses hantent ces intrigues policières. Elles sont là, embusquées entre les lignes. C'est fascinant. Je ne l'ai pas contrarié. Je n'avais fait que feuilleter les bouquins de Sawana, mais, à première vue, son style m'avait semblé d'une reposante médiocrité. Une chose demeure incontestable, a-t-il poursuivi sans dévier son regard de la route désespérément vide. Les trous dans son emploi du temps, ses disparitions inexpliquées. Certes, elle a continué à faire paraître des romans, mais quand on y regarde de près, on finit par se demander si ses livres sont bien de sa plume. J'ai souvent pensé qu'il s'agissait d'habiles pastiches rédigées durant sa détention par les sbires de la CIA. La thématique est là, mais on n'y sent pas sa patte, ses dérapages verbaux, ses néologismes si particuliers. En outre, l'intrigue est banale, du tout venant. Si les services secrets la détenaient à un moment ou à un autre. Ils ont tout de même fini par la libérer, puisqu'elle a encore vécu 10 ans à Salton Sea alors qu'elle avait cessé d'écrire, non? C'est vrai, mais vous avez mis le doigt dessus. Elle n'écrivait plus. Se taire, c'est le prix à payer pour rester libre. De plus, elle était sous surveillance. Sous surveillance? Je crois que vous avez rencontré l'inévitable Finchcolder, non? J'ai tressailli. Oui, ai-je admis, le flic à la retraite? Cela, c'est le rôle qu'il joue à merveille, a ricané Timothy avec suffisance. J'ai la certitude qu'il s'agit en réalité d'un agent de la CIA ou de la Sécurité nationale. On l'a implanté à Salton Sea pour qu'il exerce une surveillance constante sur Sawana et au besoin la neutralise si elle montrait des velléités de rébellion. C'était en quelque sorte son officier traitant. Manque de bol, Sawana lui a échappé. Mauvais point pour lui. Depuis, il est aux 400 coups et tente par tous les moyens de rattraper sa bévue. Ne lui faites pas confiance et ne prenez pas ses affabulations pour argent comptant. C'est un scorpion. J'ai eu du mal à digérer l'information. À travers les propos embrouillés de mes quatre geeks, se dessinait un portrait inédit de Sawana, celui d'une enquêtrice de terrain ayant par hasard mis le nez dans un secret d'État bien encombrant, et ce qu'elle avait chèrement payé. J'avoue que je m'y perds un peu, ai-je gémi. En définitive, vous estimez qu'elle est morte ou qu'elle a pris la fuite? Difficile de trancher. Elle a pu en avoir assez de se sentir surveillée 24 heures sur 24 et a décidé d'en finir. Mais on peut également supposer qu'elle a rassemblé tout le fric dont elle disposait pour refaire sa vie ailleurs. Au Mexique, par exemple, la frontière est proche. Gary lui a procuré des faux papiers puisqu'il entretenait des liens avec divers repris de justice. Une fois de l'autre côté de l'Iron Tortilla, note de l'auteur. Iron Tortilla, surnom du célèbre mur d'acier érigé à la frontière et censé contenir le flot d'immigrants clandestins. Fin de note. Elle a pu avoir recours à la chirurgie esthétique, changer de visage et revenir ici. Si ça se trouve, elle est là, sous nos yeux, à nous narguer au milieu de ces petits vieux vautrés sur leur transat. Elle est là. Et nous la croisons 10 fois par jour sans le savoir. J'ai fait la moue. Ce scénario, 3000 polars l'avaient recyclé avec de menues variantes. Je n'y croyais guère. Dans la réalité, la chirurgie plastique n'est jamais aussi efficace qu'au cinéma. Ou alors, elle vous transforme en monstre de foire, ce qui n'est pas le but recherché quand on souhaite passer inaperçu. Le silence s'est épaissi, la chaleur devenait accablante. Je n'ai jamais aimé le désert. Je ne lui trouve aucune beauté. Ce n'est pour moi qu'un lieu stérile, le royaume de la non-vie. Je n'ai jamais pigé pourquoi les gens s'excitent autant à l'idée d'arpenter ce paysage post-atomique. De toute évidence, ni Timothy ni Arnold ne partageaient cette opinion. Je crois qu'il se croyait en train de jouer dans un remake de Mad Max. J'ai laissé pisser, je n'étais pas là pour casser leurs rêves. Au bout d'une heure de route au milieu de nulle part, on s'est arrêté pour déballer le matériel. Le sable me brûlait la plante des pieds à travers la semelle de mes chaussures. J'ai eu l'impression d'être une limace coincée sous un fer à repasser géant. Nous allons ausculter les dunes, m'a complaisamment expliqué Timothy. On ne peut écarter l'éventualité que l'une d'elles ait avalé le véhicule de Sawana. D'après l'historique des bulletins météo, il y a eu une grosse tempête le jour de sa disparition. Or, les vents de sable ont tendance à former des tumulus dès qu'ils rencontrent un obstacle. Le tumulus se change en tertre, puis en dune. J'ai regardé autour de moi, me demandant si l'une de ces collines de silice cachait en son noyau la momie de Sawana Warlock, les mains soudées sur son volant pour l'éternité, petite momie prisonnière d'une pyramide pulvérulente. Les garçons ont déployé les détecteurs de métaux perfectionnés dont ils ont tenu à m'expliquer les formidables capacités. C'était là un matériel haut de gamme en mesure de repérer une masse métallique à travers les matières les plus réfractaires. Bla, bla, bla. Dès lors, j'ai cessé d'exister à leurs yeux. Tels des archéologues hallucinés, ils sont partis à l'assaut des dunes voisines, explorant creux et bosses, les oreilles couvertes d'énormes écouteurs. J'ai pensé plus prosaïquement qu'avant de venir ici, nous avions omis de prévenir les rangers de notre escapade, si bien qu'en cas de pépin, personne ne viendrait à notre secours avant qu'il soit longtemps. Après tout, une tempête de sable pouvait fort bien nous tomber dessus et nous enterrer aussi définitivement qu'elle l'avait fait de Sawana. On découvrirait nos dépouilles par hasard, un siècle plus tard, lorsque la dune nous tenant lieu de tombeau aurait été déplacée par un nouvel ouragan. Me sentant inutile, je me suis avancé vers l'entrée d'un slot canyon, une fente rocheuse en coups de couteau, un cauchemar de claustrophobe, si étroite que mes épaules en touchaient les parois opposées. Au bout d'une dizaine de mètres, si l'on voulait continuer à avancer, il fallait se positionner de profil. C'est de cette manière qu'on finit coincé. Sawana avait-elle eu le cran de chercher refuge dans ce dédale de pierre? On disait qu'il s'y trouvait des cavernes, voire d'anciens villages indiens troglodytes, dans le genre des Anasazis, cette peuplade du Nouveau-Mexique mystérieusement disparue. Pourquoi pas? Le désert finit par rendre possibles les choses les plus étranges. Sawana vivait-elle là, en sauvageonne, qui n'ignore rien de la manière dont on peut subsister au cœur des sables? Avait-elle perdu la tête au point de ne plus savoir qui elle était? Il me semblait la deviner tout près, en train de m'observer, le poing serré sur un caillou, se demandant si elle devait ou non me casser la tête sans autre forme de procès. Son histoire devenait trop floue à mon goût. Je n'arrivais plus à me faire une idée de sa personnalité. Tueuse ou victime? Prise de vertige, je me suis adossée à la roche brûlante. Depuis une trentaine de secondes, j'avais la sensation d'être observée. Jadis, mon père m'avait enseigné à quel point il est important de ne pas refouler ces signaux que nous adresse notre part animale, et plus particulièrement notre cerveau reptilien. Ce n'était pas la première fois que cet instinct me sauvait la mise, et en ce moment, il se manifestait avec la dernière vigueur. Qui m'espionnait là-haut, tapis dans les rochers? J'ai tenté de me rassurer en me disant qu'il ne s'agissait pas obligatoirement de Sawana, car le désert attire les marginaux. Le canyon, fonctionnant à la façon d'une caisse de résonance, me renvoyait l'écho d'une respiration oppressée. Je n'ai pas osé lever les yeux de peur de provoquer un acte irréparable, car il aurait été facile depuis cette hauteur de déclencher une chute de pierre qui m'aurait écrasée. Somme toute, j'avais été idiote de m'éloigner de mes compagnons pour m'enfoncer dans cette faille qui me comprimait tout à la fois les omoplates et les seins. J'ai battu en retraite, lentement mais aussi vite que possible, me préparant à recevoir d'une seconde à l'autre une avalanche sur la tête. C'était stupide. La créature dont j'avais repéré la présence n'était probablement qu'un coyote, encore plus morte de peur que moi. Je dégoulinais de sueur quand j'ai enfin émergé du canyon. Je me suis assise sur le marchepied du camion, le temps de recouvrer mon sang-froid. Là, à l'ombre, j'ai tenté d'imaginer Sawana changée en femme sauvage, vêtue de peau de bête tannée, se nourrissant de serpents, de gerbilles, de coyotes pris au collet, buvant la sève des cactus, recueillant la rosée du matin. Une femme âgée ayant perdu tout à la fois l'esprit et ses souvenirs, survivant par instinct en animal sauvage. Si lors de sa fuite elle avait, comme le prétendait la légende, emporté ses lingots d'or, elle ne savait sans doute même plus aujourd'hui à quoi servaient ces briques si brillantes, si lourdes. J'allais jusqu'à supposer qu'elle les avait utilisées pour bâtir un muret, à moins qu'elle ne les ait tout bonnement abandonnées dans la poussière. Allez savoir. Cette hypothèse n'avait rien de grotesque. De temps à autre, les rangers découvraient dans une caverne un vieillard dépressif échappé d'un asile ou un prisonnier en cavale qui se cachait là depuis 20 ans, dans les conditions les plus précaires. Alors pourquoi pas Sawana? Le vent de sable s'est levé, mettant fin à mes extrapolations. Timothée et Arnold sont revenus, ruisselants, épuisés et bredouilles. « Ce ne sera pas encore pour cette fois », assoupirait Timothée en mettant le contact. « N'empêche, je sens une présence. Ces lieux sont habités. » Je n'avais aucune raison de le contredire. Et cela d'autant plus qu'une sale impression me collait à la peau, celle d'être prise en chasse. J'avais commis une erreur en les accompagnant dans le désert. Là-bas, j'avais réveillé quelque chose. Une chose qui désormais allait s'attacher à mes pas, guettant la moindre de mes défaillances. Je n'ai pu résister au besoin de me pencher à la portière pour jeter un dernier coup d'œil au canyon. Il m'a semblé distinguer une ombre au sommet du monticule rocheux, une silhouette humaine dont les longs cheveux flottaient au vent. Sawana ou Gary? Mais peut-être n'était-ce qu'un mirage ?